bien là, n'est-ce pas, dans ce grand bâtiment que travaillent les cigarières? C'est là, mon officier, et bien certainement, on ne vit nulle part, fille aussi légère. Mais à moi, sont-elles jolies? Mon officier, je n'en sais rien, et moi qui passe peu de ces galanteries. Ce qui t'occupe, ami, je le sais bien. Une jeune fille charmante, on appelle Amicaïma. Jupe bleue et nappe tombante. Tu ne réponds rien à cela. Je réponds que c'est vrai, je réponds que je l'aime. Quant aux ouvrières d'ici, quant à la beauté, les voici, et vous pouvez juger vous-même.